19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est sans nul doute un des lieux les plus magiques de notre planète. À plus de 3800 mètres d'altitude, composé de deux lacs, aujourd'hui entrecoupés d'une frontière. Élément capital de la cosmogonie, il serait le berceau du monde et l'objet de dévotion depuis des millénaires. Il porte surtout un nom qui fait rêver au-delà des archéologues, le lac Titicaca. Fouiller le lac Titicaca me paraissait impensable. C'est pourtant ce que fait une équipe internationale, notamment au cœur du lac, sur l'île de la Lune et celle du Soleil. J'en ai rêvé et ce soir, pour tout savoir, découvrir le rôle de ce lac dans les sociétés andines, entrevoir problématiques, recherches et trouvailles, le directeur de la mission est dans le magazine d'archéologie de France Culture, Christophe Delair, bonsoir. Bonsoir. Américaniste, archéologue belge, docteur de l'Université libre de Bruxelles, chargé de recherche au FNRS. Vous dirigez cet exceptionnel projet, tout à la fois bolivien, belge et européen, et êtes ce soir au téléphone de Belgique. Notre sujet tournera bien entendu autour du lac, mais aussi sur le rôle capital de la religion dans la consolidation des états archaïques de cette région andine. Christophe Delair, comment fouiller le lac Titicaca au lieu de l'archéologie andine avec le concours des communautés autochtones, celle-là même dont on ne parle jamais? C'est en effet tout l'enjeu de la recherche, d'autant plus que 99% de la population lacustre est native, donc autochtone, ce qui signifie qu'on travaille littéralement avec les descendants des populations que nous étudions. C'est d'autant plus important qu'il n'y a pas d'écriture pour ces cultures d'Amérique du Sud. Alors il y a bien sûr deux conditions administratives, comme d'habitude, en particulier en Bolivie, où la particularité fait que les communautés lacustres ont vraiment une souveraineté totale sur leur territoire et sur leur patrimoine. Donc bien sûr, on a besoin de leur autorisation. Ça signifie aussi que peu importe si le ministre de la Culture, voire le chef d'État, nous octroie une autorisation de travail, on doit avoir l'autorisation des communautés. L'autre composante est d'ordre sacré. C'est la particularité dans la cosmogonie andine. Le lac Titicaca est ce qu'on appelle une pacarina, c'est-à-dire le lieu de destination des défunts et donc des futurs ancêtres. Ce qui signifie qu'ici, littéralement, on demande l'autorisation aux populations de plonger, c'est-à-dire évoluer dans l'autre monde. Il y a une véritable archéologie, bien sûr, d'un côté à faire, et aussi une ethnologie. Absolument. Les deux pouvant se rejoindre, probablement. Absolument, absolument. Il y a vraiment un lien indéniable et c'est d'autant plus précieux, comme je le soulignais, que vu qu'on n'a pas d'écriture, donc on n'a pas de composante narrative directe pour les populations pré-incaïques, on peut littéralement construire le travail, élaborer la recherche avec vraiment le soutien de ces populations qui ont hérité notamment de composantes narratives, d'histoires, de mythes, etc. Ce que vous nous proposez, c'est notamment des plongées dans les eaux, bien sûr, mais aussi une vision totalement renouvelée de l'archéologie du lac Titicaca, qu'elle soit d'ailleurs terrestre ou subaquatique. Bien sûr, l'idée de réconcilier les archéologies et les patrimoines, qu'ils soient immergés ou non, rien de neuf là-dessus. Mais vraiment, la particularité des lacs d'altitude, c'est qu'il y a une grande fluctuation du niveau d'eau, des niveaux d'eau à travers le temps. Donc il faut prendre en compte le facteur de régression et de transgression du lac. En d'autres mots, le déplacement, entre guillemets, du cordon littoral. Il peut vraiment se déplacer de plusieurs kilomètres. Donc c'est vraiment de l'archéologie, c'est-à-dire on prend en compte une culture matérielle qu'on retrouve sous l'eau et on la met bien sûr en connexion avec tout ce qu'on retrouve sur le littoral et dans le bassin versant. Alors il faut le dire, l'amplitude maximum des fluctuations du lac Titicaca, c'est 15 mètres d'amplitude, c'est absolument gigantesque, 15 mètres sur 3 millénaires, avec des phénomènes de déluge andin qui sont visiblement évoqués dans les mythes incas. c'est justement ici l'opportunité de la recherche. Il faut vraiment imaginer qu'avec ce phénomène de fluctuation, on retrouve des paysages entiers, des bandes littorales immergées sous 5, 10, 15 mètres d'eau. Et l'archéologie sous l'eau, en tout cas l'eau, le patrimoine, permet justement de conserver dans des conditions optimales, notamment des éléments organiques, du bois, etc. Donc tous des éléments qui ne se conservent pas en terrestre. Et les Big Flood, les fameux déluges andins, ça doit être très très impressionnant. Voilà, donc c'est vraiment au fil de l'étude, à force d'identifier des niveaux de sol sous l'eau, on peut vraiment identifier toute une trame chronologique où on a vraiment une succession d'événements secs et d'événements humides, et notamment des événements abrupts, tels que par exemple une grande inondation. Et donc justement, c'est tout l'intérêt, c'est on peut, dans certains cas, notamment par rapport au mythe Inca, faire une corrélation avec le fameux mythe du déluge Inca. Et c'est très intéressant que finalement, certaines composantes narratives ont survécu et que nous, entre guillemets, sous l'eau, on identifie en fait les stigmates d'un événement tel qu'une grande inondation. Christophe Delair, deux époques sont surtout présentes autour de ce fameux lac, bien entendu l'Empire Inca, mais aussi, bien avant, une culture dont je ne connaissais pas l'existence. Quelle est donc cette société ? Alors, il s'agit de la culture Tiwanaku, donc il s'agit d'une société agropastorale qui tirait vraiment ses richesses des troupeaux de lamas, en gros, de la laine, de la viande, le charque, la viande séchée. Et surtout, c'est une population qui contrôlait les voies de circulation grâce aux caravanes de lamas. Donc ça apportait vraiment un pouvoir énorme à cette culture. Et ce qu'on ignore souvent, c'est finalement, c'est la préhistoire de l'Amérique. On connaît très bien les Incas parce qu'ils ont été en contact avec les Espagnols, et notamment les Jésuites, etc. On retranscrit pas mal d'informations. Mais toutes les populations qui ont précédé les Incas sont méconnues parce qu'on n'a pas de sources écrites. Et donc le registre archéologique est d'autant plus important parce qu'on n'a que ce moyen pour pouvoir justement reconstituer, identifier et voir comment ces populations vivaient avant les Incas. Alors, où se développe cet état Tiwanaku ? Alors, globalement, dans le bassin lacustre, donc vraiment sur le pourtour, mais il y a aussi ce qu'on appelle des comptoirs, voire des colonies qui vont jusqu'à des territoires situés à 2 voire 3 000 km de l'épicentre, donc du bassin lacustre. C'est pour ça qu'on retrouve notamment des cimetières Tiwanaku dans le nord du Chili, à plus de 2 000 km du bassin lacustre, qui est donc situé à cheval entre le Pérou et la Bolivie. Et finalement toute une dissémination du matériel à travers une très très très grande superficie qui correspond aux Andes sud-centrales. Donc c'est une culture qui a visiblement une grande influence sur les Andes. Quelle est exactement sa chronologie ? Alors on considère que le début de cette culture, c'est plus ou moins au début du 6e siècle de notre ère. Et elle aura vraiment 5 siècles d'occupation, de développement, jusqu'au 11e, voire 12e siècle. Et tout ça autour du centre emblématique et éponyme Tiwanaku, qui en fait est considéré comme la capitale, entre guillemets, de cet état. Et peut-on parler justement, puisque vous venez de le dire, peut-on parler d'état, même d'état archaïque ? Alors justement, c'est tout l'enjeu de la recherche. On considère en général qu'une société qui atteint un niveau de complexité tel peut avoir un niveau d'ordre étatique à partir du moment où on peut identifier dans la culture matérielle la nécessité d'un pouvoir centralisé. Donc on le voit vraiment avec l'emprise, l'importance, l'abondance du matériel, non seulement sur les sites autour du lac, mais évidemment dans les territoires périphériques. Et dans ce cas présent, il y a une telle complexité sociale, politique, matérielle, technologique, on parle aussi d'architecture monumentale, qu'on ne peut pas envisager que ce soit pas, entre guillemets, un état de type primaire. Et il s'agirait justement d'un des plus vieux états du monde andin ? Alors c'est la difficulté justement dans l'identification de ces évolutions. A priori, dans cette partie des Andes, oui, elle s'est développée en parallèle avec une autre culture qui s'appelle Wari, qui est plus au nord. Et a priori, vu vraiment la trajectoire culturelle des populations dans les Andes centrales, c'est vraiment à ce moment clé, vers le 5e, 6e siècle, où on a vraiment ce boom démographique associé justement à la complexité sociale, politique, etc., qui définit justement cette apparition, entre guillemets, de culture de type étatique. Donc c'est vraiment le débat sur la nature des pouvoirs, et a priori elle apparaît à ce moment-là. Un État, ça a forcément une capitale, une ville, et la capitale de l'État est présente, non loin visiblement du lac. Qu'est-ce que l'on en sait aujourd'hui ? La particularité, c'est bien sûr son architecture monumentale. Il faut vraiment imaginer un noyau en pierre constitué de grandes plateformes qui donc impliquent des cérémonies avec un grand public. On parle aussi de pyramides, on parle notamment d'une grande complexité dans la canalisation, dans la manipulation des éléments d'eau et bien sûr ce qu'on appelle vraiment les unités résidentielles et d'élite, des sortes de palais. Donc on a vraiment une sorte de ville simplement à 10 km du lac, et on peut voir toute cette évolution, toute la chronologie entre, on va dire, avant la formation de l'État et puis justement cette consolidation jusque entre guillemets à son démantèlement vers le 11e, 12e siècle. Cette ville, elle fait à peu près combien d'hectares ? Je crois d'ailleurs qu'elle est visitée par les touristes aujourd'hui. Oui, elle est assez isolée, mais c'est une ville. Alors, c'est assez particulier. Il faut imaginer que le cœur monumental est construit en pierre et toute la périphérie, donc les habitations, sont en adobe, donc en terre crue, séchée au soleil. Donc évidemment, 1000 ans plus tard, les précipitations ont littéralement lessivé la périphérie. Donc ça donne vraiment une morphologie atypique, dans le sens où quand on arrive, on a une plaine déserte et des monuments en pierre qui émanent de cette plaine. Il faut imaginer bien sûr quand les Espagnols sont arrivés au 6e siècle, quand ils ont voulu construire des ponts, des églises, des couvents, des villes, ils ont fait très simple. Au lieu de chercher des carrières de pierre, ils ont évidemment été ponctionnés chaque pierre dans chaque site archéologique pour construire, on va dire, les fondations des villes coloniales. Donc tout ça, bien sûr, sont des facteurs qui sont pris en compte et qui rendent justement parfois difficile la lecture de à quoi pouvait ressembler cette capitale il y a 1000 ans, en l'occurrence. Et elle a été fouillée ? C'est l'un des premiers sites en Amérique du Sud à avoir été fouillé. Pendant longtemps, ça a été considéré comme le site ou la culture la plus ancienne. Ce n'est plus le cas. En tout cas, elle a été fouillée abondamment au 19e, au 20e, notamment par des équipes françaises, Créqui-Montfort en 1902, et toute une série d'équipes. C'est une région très très bien étudiée. Christophe Delaire, comment se déroulent les plongées ? J'ai lu que vous étiez jusqu'à 27 archéologues subaquatiques. Oui, donc moi, ma démarche a été de basculer de l'autre côté du miroir. Évidemment, à partir du moment où on parle de culture autour d'un bassin lacustre, il faut imaginer que c'est une petite Méditerranée, une petite mer intérieure. Et donc, à un moment, bien sûr, je me suis attelé à essayer d'identifier la connexion entre, ou simplement identifier des édifices sur la ligne littorale. Et ma surprise a été telle que, entre guillemets, je n'ai rien identifié. Et donc, c'est vraiment en prenant en compte les facteurs, ou en tout cas les études paléoclimatiques, où en fait, je me suis rendu compte que le niveau du lac avait vraiment beaucoup fluctué. Et donc, j'ai changé de casquette, j'ai mis une bouteille sur le dos et en quête, en fait, du rivage sous l'eau. Et c'est pour ça que depuis 2012, je travaille avec une équipe de 5, puis 10, plus 15, puis 30. Non seulement des plongeurs, on était jusqu'à 16 plongeurs, mais vraiment une équipe, on va dire, avec plein de compétences pour justement s'atteler à cette problématique et à plonger. C'est assez difficile. On est, je rappelle, quand même à une altitude de 4000 mètres. Donc, c'est un peu la particularité. Tout d'abord, c'est où plonger ? La réponse devrait être partout. C'est évidemment une difficulté que tous les chercheurs ont. Ce n'est pas comment fouiller le site, mais comment les trouver. Et dans ces lacs d'altitude, il y a une sédimentation très très très élevée. Ce qui signifie que si un plongeur sportif, par exemple, se promène aujourd'hui sous l'eau, il ne va rien voir. Nous, on a pu identifier année après année des sites archéologiques et des niveaux archéologiques, mais souvent enfouis entre 1, 2, 3 mètres de sédiments. Donc il faut rajouter en plus la colonne d'eau. Donc ça a été justement la difficulté, et c'est voilà, petit à petit, en recoupant les données, en développant des modèles prédictifs, on a pu minimiser les zones de recherche et progressivement identifier un patrimoine insoupçonné, en fait, méconnu, car sous l'eau. Christophe Delaire, vous n'êtes pas le premier à entreprendre une telle expérience. Comme d'habitude, le commandant Cousteau l'avait fait, des Japonais aussi ? Oui, entre autres. Alors c'est aussi la particularité de l'archéologie sous l'eau, ça fascine. Il faut imaginer que le lac possède tous les ingrédients. C'est le lac Titicaca, il y a la légende dorée du trésor d'Atahualpa, donc la rançon, la fameuse rançon qui a été constituée à la demande de Pizarro et qui a été jetée quelque part, a priori dans le lac. Il y a des légendes sur des chaînes d'or, etc. Donc il faut imaginer qu'il y a eu différentes générations, différentes équipes de plongeurs qui, décennie après décennie, ont écumé, entre guillemets, le fond lacustre. Et Cousteau, entre autres, est venu avec son équipe en 68, voilà, je me trompe pas, en 68. Et à part le film, en fait, on connaissait peu de choses, et c'est notamment un peu la beauté de la recherche. C'est ici récemment, pour donner une anecdote, on a pu retrouver, entre guillemets, le carnet de fouilles de Frédéric Dumas, grâce à sa fille Juliette, et qui était donc l'archéologue, entre guillemets, de Cousteau, et avec toute une richesse d'informations sur ce qu'ils ont fait, et à quel endroit, et ce qu'ils ont trouvé. Donc finalement, il faut en prendre en compte ces données, et notamment moi, je les utilise pour développer la recherche sur ce lac. Un des points principaux de vos recherches est une sorte de rocher, le Kaorif, un endroit qui offre une vue imprenable sur le lac et tout son environ. C'est magnifique. Comment décrire le lac? Ce serait une sorte de petite Corse implantée dans un lac au milieu des Alpes, d'une certaine manière. C'est très dur à déterminer. Ici, en l'occurrence, le site de Coa, qui est une sorte de récif, se trouve au nord de l'île du Soleil, et c'est un des sites que nous avons étudiés, et un des 25 sites, entre guillemets, que nous avons localisés aussi. Et sur ce site, c'est tout à fait atypique. C'était littéralement un site d'offrande, et non seulement pour la paire d'Inca, ce qui est assez cohérent, mais la surprise aussi, ça a été pour les périodes antérieures aux Incas, et c'était notamment tous les enjeux de la recherche, ici en l'occurrence, notamment sur l'évaluation de la complexité de l'état Tiwanaku. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Christophe Dallaire, ce que vous avez trouvé, tout d'abord, ce sont d'exceptionnelles offrandes liées à des pratiques religieuses. Celles-ci sont visiblement de plusieurs époques. Comment faites-vous la différence ? Effectivement, il y a plusieurs niveaux. La différence, premièrement, c'est par la caractérisation stratigraphique. Donc on a vraiment différents niveaux d'unités sédimentaires au sein desquelles on retrouve des objets. Et évidemment, dans le cas présent, vu qu'il y a vraiment une chronologie, on va dire, cohérente, on a les offrandes récentes, même contemporaines, on a les offrandes du 19e. On a ensuite, plus bas, des offrandes de la période Inca, c'est-à-dire 15e, 16e siècle. Et qui sont dans des boîtes, visiblement, c'est ça ? C'est tout beau. Il faut imaginer que ce sont des coffrets en pierre, scellés avec un couvercle. Il y a même des petits orifices pour permettre, on va dire, aux sacerdotes d'immerger ce coffret en pierre. Mais c'est vraiment le contenant. Ce qui est important, c'est l'offrande en tant que telle, c'est le contenu. Dans ces coffrets en pierre, il y a toute une série d'offrandes assez incroyables. Généralement, ce sont des petites figurines miniatures, soit anthropomorphes, des petits bonshommes, des petites dames, soit aussi zoomorphes, généralement des lamas, que ce soit en or, en argent ou en spondyle, qui est donc un coquillage de mer chaude d'Équateur. Je vous propose d'en voir la liste impressionnante. Tout d'abord, tous sont des objets très précieux, vous le disiez à l'instant. C'est donc une perte pour l'économie, pour le monde des vivants, puisque ceux-ci n'auront plus aucune valeur, hormis une valeur sacrale. Alors c'est toute la valeur qu'on peut donner notamment à l'or, entre guillemets. Il faut vraiment imaginer que dans les Andes, l'or n'avait pas de valeur marchande, en tout cas pour les Incas. Donc ça appartenait vraiment, entre guillemets, à la catégorie du rituel. L'or, pour les Incas, c'était, entre guillemets, les larmes du soleil. Ça veut dire que ces objets sont assez abondants. En tant qu'archéologue, on retrouve beaucoup d'objets en or. Et en fait, ça reflète justement des activités d'ordre rituel, justement ces offrandes. Et ça nous permet alors d'évaluer un peu la relation entre les Incas et leur paysage qu'ils ont sacralisé. Vous avez aussi la preuve de sacrifices animaux ? Alors il y a différents niveaux. Sous le niveau Inca, il y a des niveaux plus anciens, en l'occurrence Tiwanaku, comme on le citait. Et là, c'est vraiment tout un assemblage différent. Et c'est ça qui est très très intéressant, c'est qu'on se rend compte, grâce à l'assemblage céramique, à l'assemblage du matériel, c'est que les mécanismes rituels ne sont pas les mêmes entre les Incas et les populations précédentes. Notamment pour Tiwanaku, on a énormément de sacrifices de camélidés, de lamas, d'alpagas, généralement juvéniles, connectés à d'autres types d'offrandes, notamment des encensoirs à tête de puma très jolis en terre cuite, et toute une série de petits matériels lithiques. Et vos lamas auraient des sortes de boucles d'oreilles avant d'être sacrifiés ? Alors c'est difficile à déterminer, mais par rapport justement à l'analyse contextuelle et en incluant les facteurs taphonomiques, on se rend compte que dans ces niveaux, la concentration d'éléments en or, des petites feuilles d'or en général, voire d'appliques lithiques, etc., sont toujours concentrées autour justement des zones de faune, hein, d'ossements, de lamas. Donc c'est justement l'intérêt de l'archéologie, c'est en décapant des surfaces relativement grandes, on arrive, malgré la disparition de certains éléments, à reconstituer, donc que ce soit des boucles d'oreilles ou peut-être même, comme on en retrouve aujourd'hui, hein, des sortes de rubans ou d'appliques qui étaient apposées un peu partout sur le corps de l'animal, on peut en fait reconstituer ce qu'on ne voit pas, à savoir le rite, la cérémonie, parce qu'on a le produit, on a l'offrande, mais la cérémonie, on a peu d'informations. Est-ce qu'il y avait de la musique? Est-ce qu'il y avait de l'encens? Est-ce qu'il y avait... Donc c'est vraiment petit à petit qu'on peut reconstituer ce genre de cérémonie d'information. En tout cas, je ne suis pas sûr que vous ayez de l'encens, mais vous avez des brûle-parfums très très beaux. Oui, effectivement. Les analyses à l'intérieur justement de ces récipients, de ces céramiques, ont montré que étaient brûlées dedans des essences végétales, principalement de la coa, qui est une petite plante locale, et qui avait peut-être même des vertus médicinales, voire hallucinogènes. Donc encore une fois, ça donne une composante sur comment se déroulaient ces cérémonies. Et donc, il faut vraiment imaginer qu'il y avait sans doute une étape pré-offrande, hein, que ce soit une petite île à proximité, voire sur des bateaux, et qu'ensuite, l'ensemble de l'offrande proprement dite était immergé, incluant ces céramiques encensoires, ces sacrifices de la main et tout ce kit finalement d'offrande littéralement dans les eaux du lac. Vous avez aussi des coquilles qui viendraient de 2000 km de distance, c'est bien ça? Des spondyles, petits coquillages rouges et blancs? Oui, c'est systématique. C'est un peu finalement comme l'âge du bronze ou plus ancien en Europe continentale où on a vraiment la preuve des échanges à très très très longue distance. Et l'avantage du spondyle, outre sa valeur, on va dire, rituelle, c'est qu'on sait vraiment déterminer sa provenance. C'est un coquillage. Et il n'existe que dans les eaux chaudes, au niveau de l'équateur. Donc on sait vraiment que dans ce cas présent, il n'est pas, on va dire, natif du lac, qu'il a été littéralement pêché à plus de 3000, 2000, 4000 km au nord, qu'il a été ensuite travaillé et que pour une raison XY, s'est retrouvé dans ce kit d'offrande à 4000 mètres d'altitude au milieu de la cordillère des Andes. Nous avons brièvement parlé de l'or. Vous avez de nombreuses petites figurines, des sortes de petites figurations. L'exploitation du cuivre, de l'argent et de l'or est un des fondements de l'économie des sociétés andines? Oui, et c'est d'ailleurs très difficile à reconstituer. L'avantage, c'est que d'une part, on a bien sûr ces objets qu'on retrouve. En général, pour la période Tiwanaku, ce sont des alliages en or. C'est principalement or et cuivre. C'est principalement des objets laminés. Hein. C'est très fin, c'est très léger. Et d'autre part, on a entre guillemets des hiatus hein, dans cette chronologie. Et notamment, dans le cas de ces recherches, au-delà des offrandes et de la composante rituelle, on peut obtenir d'autres informations, notamment dans l'analyse des sédiments grâce à des proxys géochimiques où on peut vraiment identifier, on va dire, des pics d'intensité dans l'exploitation du cuivre, de l'argent, de l'or à travers le temps et finalement aborder d'autres sujets tels que la métallurgie dans les Andes centrales sur les trois derniers millénaires. Christophe Delaire, qui participait à ces pratiques religieuses? Les élites? D'ailleurs, sait-on quel dieu était honoré? Si je me concentre sur la période pré-incaïque, à savoir les Tiwanaku, on n'a pas de composante narrative, donc on ne connaît pas le nom des dieux, on ne connaît pas, il manque pas mal d'informations. Nous avons bien sûr le support de l'iconographie. A priori, pour Tiwanaku, c'est le dieu au bâton. C'est comme ça qu'il est déterminé. Il faut vraiment imaginer un personnage debout avec un bâton dans chaque main et une tête rayonnante. Donc ce serait, entre guillemets, le dieu. Et les cérémonies, notamment ici sur le récif de Koa, en fait, c'est tout à fait incroyable. Jamais auparavant, on a pu retrouver, entre guillemets, autant d'offrandes aussi complexes, aussi abondantes, aussi variées sur une surface aussi restreinte. Il faut vraiment imaginer que, entre guillemets, il y en avait partout. Et donc, notamment ici, dans l'enjeu de la recherche, on en déduit qu'il y a une intervention d'une élite bien spécialisée, sans doute l'élite sacerdotale, liée justement à cet état Tiwanaku. Que faisait la population Tiwanaku? Ils ne participaient pas à ce genre de réunion? C'est ça la particularité du site, c'est qu'il faut imaginer que ce récif se trouve à plusieurs kilomètres au large de l'île du Soleil. Le lac Titicaca est tellement grand que quand on est sur une rive, on ne voit pas l'autre rive. Donc c'est vraiment un grand corps d'eau énorme. Et dans le cas présent, le site est tellement isolé et tellement difficile d'accès qu'on ne peut pas imaginer, on va dire, la présence d'une population, voire de témoins. C'est littéralement, on va dire, impossible. Et en général, c'est une caractéristique de ces lieux d'offrande. En général, ce sont des sites inaccessibles, que ce soit au milieu d'un lac ou au sommet d'un volcan à 6000, 7000 mètres d'altitude. Et d'ailleurs, cette caractéristique peut nous aider, nous, archéologues, à identifier d'autres sites, pour la simple et bonne raison qu'on cherche l'endroit le plus difficile d'accès et on peut, une fois sur deux, trouver une culture matérielle, des objets, voire des offrandes. Ce dont nous avons parlé, c'est 8% de vos découvertes. Quels sont les 92% de découvertes restantes? Oui, en effet, ici, on parle de la pratique d'offrandes subaquatiques, donc vraiment l'acte de mettre des objets dans l'eau. Et il faut vraiment imaginer que ça correspond à moins de 8%, oui, 8% de la nature, hein, du patrimoine identifié aujourd'hui au lac Titicaca. Il faut vraiment imaginer que la majorité des objets, des traces, des vestiges, ne sont pas associés à des pratiques rituelles, à savoir des offrandes, mais sont associés en fait à ces phénomènes en fait climatiques de variation du niveau du lac. C'est-à-dire que la majorité de ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est principalement sur les anciennes lignes littorales, sur les côtes. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement des témoignages tout à fait méconnus pour la compréhension de ces cultures, notamment des espaces spécialisés, des tanneries, des ateliers de pierre. On y voit le travail du cuir, on y voit le travail de la laine, etc. Ce qui est finalement tout à fait cohérent, parce qu'on imagine aujourd'hui en Europe ou au Moyen-Âge, les tanneries sont placées, on va dire, au bord des rivières. Ici, c'est la même chose. Et en l'occurrence, vu que le niveau du lac a augmenté, et plus haut aujourd'hui que durant ces périodes, en fait, on a retrouvé finalement tout un pôle industriel de ces populations qu'on ne connaissait pas, parce qu'on ne retrouve pas le même type d'établissement dans les terres, vu qu'il n'y a pas de rivière ou il n'y a pas de lac. Donc ça change beaucoup la donne dans la réinterprétation de l'identité finalement de ces cultures, en particulier Tiwanaku. Christophe Delair, venons-en à une question majeure. En quoi ces rituels peuvent-ils jouer un rôle important dans la formation des états, de cet état archaïque Tiwanaku? Dans le cas présent, on identifie vraiment deux facteurs. D'une part, il y a des rituels répétitifs et d'autre part, comme on en parlait, des offrandes coûteuses, ce qu'on appelle vraiment des rituels coûteux. Donc en gros, dans le cas présent, notamment pour ces populations qui n'avaient entre guillemets pas d'institution laïque, on peut vraiment considérer que la religion était une sorte de pression morale, hein, qui constitue une sorte de code moral et qui, en d'autres mots, poussait en fait simplement à la cohésion intra-groupe et pouvait aussi d'une certaine manière marginaliser des comportements isolés. Et c'est vraiment typique dans ces populations, notamment quand une société se complexifie, quand la démographie devient très importante, le rôle de la religion est très important. Et c'était justement ici un des enjeux vis-à-vis de ces offrandes, c'était explorer quelle était la nature du pouvoir et quel était son rôle dans la formation et la consolidation de cet état primaire qui était Tiwanaku. En 5 secondes, on peut penser que les croyances et rituels auraient incité à la coopération et donc à la cohérence du groupe? Par exemple, si on explore cette piste, on n'en exclut pas d'autres. Mais ici, en l'occurrence, c'était assez atypique et pourquoi pas au final. Christophe Delair, merci beaucoup. Merci. Carbone 14 était réalisé par Vivian Lecuivre, à la technique Nadège Antonini et bien sûr avec le concours de Gwendoline Troiano. Christophe Delair, donc merci. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture ou l'application Radio France, où retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.